ici Washington, il est 21h, temps anniversaire, vous écoutez la voix de l'Amérique dans quelques instants. Aujourd'hui le monde avec les meilleurs dossiers d'actualité de ce mardi 13 août 2020, suivi de Saint-Louis. Jean-Roger Mion à ce microphone. Voici tout de suite un bulletin d'information. Israël a commencé à libérer 26 prisonniers palestiniens de longue date, un geste de bonne volonté quelques heures seulement avant la reprise d'un pourparler de paix. La plupart des prisonniers ont été incarcérés à la fin des années 1980 et au début des années 1990 pour l'assassinat et la tentative d'assassinat d'Israéliens et de Palestiniens soupçonnés de collaboration. La Cour suprême d'Israël a rejeté un appel de dernière minute contre la libération introduite par les familles des victimes. Ce tribunal a déclaré qu'il ne peut interférer avec la décision du gouvernement. Les négociateurs israéliens et palestiniens se rencontrent à Jérusalem demain mercredi pour reprendre les pourparlers de paix qui ont débuté le mois dernier à Washington après une accalmie de 3 ans. L'économie aux États-Unis, les ventes au détail ont augmenté au mois de juillet selon le rapport du ministère du Commerce publié aujourd'hui. Une tendance qui pourrait accélérer la décision de la Banque centrale de réduire ses efforts pour stimuler l'économie. Les experts vont publier cette semaine de nouvelles données sur le marché de l'emploi et de l'inflation. Le ministère américain de la Justice et des représentants de l'État des États-Unis tentent de bloquer un projet de fusion entre American Airlines et US Airways, un projet qui pourrait aboutir à la création de la plus grande compagnie aérienne au monde. Le vice-ministre de la Justice a expliqué que ce changement nuirait à la concurrence et obligera les passagers à payer des centaines de millions de dollars en frais supplémentaires chaque année. En Chine, une autre personne est décédée d'une nouvelle souche de la grippe aviaire qui a maintenant coûté la vie à 44 personnes. Un homme de 61 ans, originaire de la province de Hubei, dans le nord de la Chine, est décédé lundi après avoir été testé positif pour le virus au H7N9, c'était le 20 juillet dernier. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington. La police égyptienne a usé de gaz lacrymogène au Caire pour mettre fin aux affrontements de rue entre partisans et opposants du président déchu Mohamed Morsi. Les troubles ont commencé ce mardi matin à la suite des marches organisées par les pro-Morsi. Les anti-Morsi ont jeté des pierres sur les manifestants qui marchaient vers le ministère de l'Intérieur. Les islamistes ont riposté par des jets de pierres. La police égyptienne a tiré du gaz pour tenter de rétablir l'ordre. Au Mali, Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite au second tour de l'élection présidentielle contre Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ses commentaires hier soir, M. Cissé a déclaré que Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka a remporté l'élection brillamment et souhaitait à son rival tout le succès qu'il méritait. Un porte-parole d'Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré à La Voix de l'Amérique que les résultats partiels montrent qu'il a obtenu entre 75 et 80% des voix. Les responsables électoraux n'ont pas encore publié les résultats provisoires complets. Ils ont annoncé que ce sera fait demain mercredi et la Cour constitutionnelle devra proclamer les résultats définitifs d'ici à vendredi. Les autorités de l'État de Borno au Nigeria ont annoncé que des hommes armés ont tué au moins 56 personnes dans des attaques contre deux petites localités proches de Maïdougouri. Des hommes armés vêtus d'uniformes militaires sont entrés dans le village de Kondouga le dimanche et ont abattu au moins 44 personnes qui priaient dans une mosquée. La deuxième attaque a eu lieu dans le village de Ngom samedi où 12 personnes ont été tuées. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais les autorités soupçonnent le groupe radical islamiste Boko Haram d'être responsable des attentats. Voilà, La Voix de l'Amérique place maintenant au mur un dossier d'actualité. Vous aurez ensuite salle plus, mais pour le moment, on va tout juste au meilleur dossier d'actualité de ce mardi 13 août 2013, Idriss Fall. Au Mali, après avoir félicité Ibrahim Boubacar Keïta pour sa victoire au second tour de la présidentielle, le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé, a animé ce matin à Bamako une conférence de presse pour mieux expliquer pourquoi il a reconnu sa défaite bien avant publication des résultats officiels. Le leader de l'Union pour la République et la démocratie ne compte introduire aucune requête auprès de la Cour constitutionnelle. Le point, notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Devant la presse nationale et internationale, Soumaïla Cissé est revenu sur son geste de la soirée passée. Le fait de reconnaître sa défaite à la présidentielle malienne, mais aussi de féliciter son rival pour sa brillante victoire. Je n'introduirai aucune requête auprès de la Cour constitutionnelle. Hier soir, j'ai rendu visite au président de la République élu pour le féliciter et lui souhaiter plein succès dans sa mission de redressement et de relèvement du Mali. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre pays. La plateforme politique est instituée autour du Front pour la démocratie et la République FDR. Il sera toute sa partition dans l'œuvre de régénération de notre processus démocratique, de reconstruction du pays et de restauration de la paix et de la stabilité. Les Bamakois qui étaient dans l'attente des résultats du second tour saluent le geste patriotique du candidat de l'IRD, Koussé Tera Comptable. Franchement, moi-même, ça m'a beaucoup surpris et je le félicite par rapport à ce geste qui est vraiment patriotiste. Et je veux sûrement dire que les résultats ne sont pas tombés officiellement. Et du coup, il a eu le courage d'aller jusqu'à son domicile pour les féliciter. Franchement, c'est encourageant. C'est bien pour le Mali, c'est bien aussi pour lui. Ça va vraiment apaiser l'équipement politique au niveau du pays. Justement, ça va vraiment nous aider. Le fait que Soumaïla Cissé s'est rendu au domicile d'Ibrahim Boubacar Keïta est une première dans l'histoire des élections en Afrique, voire dans le monde. C'est ce qu'ils m'ont dit, Panou Traoré, infographe. Parce que je n'ai pas connaissance que de par le monde, un candidat perdant reconnaisse et félicite son adversaire jusqu'à domicile. C'est quelque chose de patriotique, c'est quelque chose d'apaisant qui va dans le sens de la réconciliation nationale du Mali. Et puis c'est à son honneur à lui. Et puis à ma connaissance, ça lui permettra de mieux se positionner pour l'avenir. Soumaïla Cissé a certes reconnu sa défaite, mais ne compte pas quitter la scène politique. Il veut que le FDR, son regroupement, joue pleinement sa partition dans le Mali nouveau. Je souhaite que cette ère soit une ère de nouvelle espérance pour notre peuple, notamment pour la jeunesse du Mali, qui restera l'objet de toutes nos attentions. Ma conviction reste inchangée malgré les décisions du moment. Cette conviction est que la victoire du Mali est proche. Elle sera celle d'un peuple serein, uni dans le travail et l'effort exigeant avec lui-même. Actuellement, Ibrahim Boubacar Keïta est en train de recevoir des messages de félicitations de par le monde, comme pour dire que la Cour constitutionnelle du Mali peut travailler sans aucune pression. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique. En effet, les réactions à ces gestes posés par Soumaïla Cissé sont très nombreuses au Mali, d'abord au sein de la classe politique. Khatim faisait tout à l'heure allusion au FDR, le Front de défense de la République, qui était un front mis en place juste pour s'opposer au putsch du 22 mars 2012. Et Nicolas Pinou a donc recueilli à Bamako la réaction de Ibrahim Ndiaye, président intérimaire de l'ADEMA, qui est le parti de John Kounda Traoré. La tête de Soumaïla nous libère et nous honore. Cette date de 2018 avant, et je pense que tout le monde souhaitait cela et attendait cela. Pour mon parti, l'ADEMA, c'est la consécration du combat que nous avons mené depuis mars pour faire en sorte que nous soyons, à défaut d'être dans la perfection en matière de respect de la Constitution, qu'on s'en écarte le moins possible et de faire en sorte que cette transition ait une fin. C'est ce qui est arrivé et il faut applaudir. Féliciter le nouveau président et de rester démocrate jusqu'à la fin et de travailler maintenant pour le pays. Sincèrement, l'attitude d'hier soir, les images que nous avons vues à la télé des candidats, c'est une belle sortie en tout cas pour ce qui concerne cette transition. Voilà le sentiment qui nous anime et nous sommes extrêmement sincères. La période de compétition est nécessaire pour toute démocratie. Et une fois que les résultats sont là et qu'ils s'imposent par leur clarté, il faut l'accepter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une déception pour l'ADEMA qui avait signé, hein, vous l'avez rappelé, Soumaïla Cissé? Ben, pour le résultat, bien sûr, il y a une déception, mais la déception, c'est quoi? C'est qu'on était donc dans une course, mais quand vous allez dans une course, et c'est les deux hypothèses. Déjà, le premier tour avait donné le ton, l'écart quand même était considérable. Pour autant, il faut se battre jusqu'au bout selon les règles du jeu. Et c'est cela. Donc, notre engagement, c'était le respect d'un document que nous avions signé, mais ce n'était pas parce que nous savions que nous allons gagner coûte que coûte. Et je pense que ce qu'il faut, et c'est ce qui va permettre à la classe politique retrouver sa crédibilité et être comprise de plus en plus par l'opinion publique nationale. Iba Ndiaye, président intérimaire de l'ADEMA, autre réaction avec Didi Baketa, secrétaire général du Parti pour la Renaissance Nationale, ou bien Parena, qui est le parti de Thiébilé Dramé, le négociateur des accords de Ouagadou. C'était en fait une grande portée historique, mais a montré par là la grande dame républicaine. Et nous l'avons félicité. Et à la suite de Soïla, le Parena a déjà accrété ses félicitations à Aïe Ouagadou. Et à la suite de Soïla, le RTM, le groupement anti-Touti. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être les priorités pour Ibeka? La priorité des priorités, c'est de recoudre le tissu social malien, de recoudre le sentiment entre les Maliens, de recoudre la nation malienne. Tout le monde dit après cela. Les accords de Ouagadougou l'obligent à entamer des pourparlers avec les rebelles Touareg. Thiébilé est lui-même le principal artisan de ces accords. Oui, Ibeka, il va suivre les résolutions de l'accord de Ouagadougou. Et je lui fais confiance. Il sera à la hauteur de l'attente du peuple malien. Didi Baketa, secrétaire général du Parena, et à travers tout le pays, les populations ont réagi avec enthousiasme à cette annonce de Soumaïla Cissé. Originaire du Nord malien, nous allons donc à Kao retrouver notre correspondant sur place, Oukacha Kassidou. Avant même la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le candidat Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite et vient se déplacer en personne pour aller féliciter son rival Ibrahim Boubacar Keïta et lui souhaiter bonne chance. Voilà la réaction des populations du Nord. Je crois que c'est une chose qui a honoré tout le peuple malais et le monde entier. Moi particulièrement, je suis très très content parce que c'est une première au Mali. Et il y a une forte crise dans ce pays. Et il faut un geste comme ça pour que nous espérons que les choses iront en avant. Il a respecté notre coutume, effectivement c'est comme ça. Et le jeune frère va toujours vers le grand frère. Nous remercions vraiment Soumaïla pour ce grand geste. Mélange Maman, je suis un jeune de Gao. Monsieur Cissé a montré vraiment que les liens sales sont l'avant-famille. Le grand Soumaïla Cissé, il a reconnu sa défaite. Il a fait le déplacement en personne, aller chez le président Ibrahim Boubacar Keïta, le féliciter et l'encourager pour montrer vraiment que d'abord le Mali, ça fait partie de notre futur. La démocratie malienne est en mesure. Madame Maïga Awassan, je suis vraiment très heureuse et très contente de la part de Soumaïla Cissé. Il a montré qu'il est un patriote, il a montré qu'il peut gouverner, il a montré aux Maliens qu'il est à la hauteur et qu'il est malien. Parce que dans notre coutume au Mali, le jeune frère, il considère toujours son grand frère comme son père. Donc ce signe-là, il a vraiment montré parce qu'il s'est déplacé lui-même pour aller voir son père au lieu que son grand frère. Parce que chez nous, ton grand frère, c'est ton père. Moi, en tant que nordiste, je suis très fière. Je suis très fière de Soumaïla Cissé et je lui souhaite qu'on va. Les Maliens viennent de prouver qu'ils tiennent à leur démocratie et qu'ils sont engagés plus que jamais à faire face aux nombreux défis qui attendent le pays. Gao Oukacha Kassidou pour la Voix de l'Amérique. Dans le dialogue des religions de ce mercredi 14 juin 2013, des milliers de chrétiens au Cameroun disent ne pas avoir où aller prier après que le gouvernement eut ordonné la fermeture d'églises dites illégales. Mais les pasteurs des églises concernées se plaignent de persécutions dues à leur critique du régime du président Paul Biya au pouvoir depuis plus de 30 ans. Qu'en est-il au juste? Et puis, le gouvernement a-t-il le droit de fermer des lieux de culte? Vos questions à nos invités ainsi que vos commentaires et numéros de téléphone sur Facebook. Et rendez-vous ce mercredi à 19h30 dans le dialogue des religions sur la Voix de l'Amérique. Georges Léonard Sagnon, on vous souhaite une excellente fête Paris sur la Voix de l'Amérique, bien sûr. Thank you. 21h15 à Kidal, 21h15 à Bamako, 21h15 à Dakar. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Fernand Fodzing avec la collaboration de Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus, après les titres de l'actualité, rubrique analyse, quels sont les défis à relever pour Ibrahim Boubacar Keïta? Nous serons au Sénégal pour notre dossier où nous avons dorénavant une Miss Sciences et une Miss Mathématiques, nouvelle trouvaille du ministère de l'Éducation. À vous la parole, nous entendrons nos auditeurs maliens après le second tour de la présidentielle. Mais auparavant, voici quelques titres de l'actualité africaine. Tunisie, la crise politique perdure au moment où le pays célèbre la journée nationale des acquis des femmes. Et puis en Égypte, bras de fer entre les forces de l'ordre et les partisans de Mohamed Morsi qui continuent de manifester. Et puis en Algérie, mandat d'arrêt international contre Chakib Khalil, l'ancien ministre de l'énergie et président directeur général de la Société publique des hydrocarbures, la Sonatrach, est mêlé à une lourde affaire de corruption. Après avoir gagné largement au premier tour avec 39,79% des voix contre 19,70% pour Soumaïla Cissé et avec le ralliement de 22 candidats de l'opposition derrière lui, Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka sera le prochain président du Mali. Son rival a en effet reconnu sa défaite bien avant la publication des résultats du second tour. Selon le professeur Issa Ndiaye, enseignant de philosophie à l'université de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta aura de nombreux défis à relever avec un pays qui souffre de 18 mois de crise politique. Écoutons. Oui, je pense que d'une manière générale, les gens s'y attendaient. Que le premier tour, les annonces avaient été réalisées. Je pense que le deuxième tour ne fait que confirmer ce qu'on avait pressenti au premier tour. Évidemment, l'héritage est assez lourd. L'État hérite d'un champ de ruines où presque tout est à refaire. Je pense que de nombreux défis l'attendent. Le premier défi qu'il aura à relever dès les premiers jours de son mandat, c'est d'établir la confiance entre lui et les populations par la mise en place d'une équipe crédible qui inspire donc confiance aux populations. Je pense que c'est un défi véritable dans la mesure où les deux décennies de démocratie ont abouti donc à une rupture de fait entre le peuple et ses dirigeants. De nombreux dossiers l'attendent, notamment la question de la sécurité qu'il faut résoudre au premier chef. Et là aussi, il devrait faire preuve d'ingéniosité de changer les pratiques habituelles en essayant donc d'y intéresser toutes les couches sociales, toutes les populations, toutes les communautés qui sont concernées pour relever ce défi. La seconde défi donc passe nécessairement par les réformes institutionnelles parce qu'il y a une faillite de l'État. Tout est à reconstruire également au niveau-là et pour pouvoir donner une réponse donc définitive à cette question de rébellion dans le Nord. Cela passe par des réformes institutionnelles qui puissent être acceptées par l'ensemble des populations et surtout l'étendue du territoire. Dans notre champ de ruines l'attendent, la question de l'éducation, la question de la santé et la question donc foncière, la question des terres agricoles notamment. Le président Ibeka quand même hérite d'un pays qui a souffert de 18 mois de crise politique. Et d'après vous, quelle serait vraiment la meilleure approche sur la question du Nord, professeur Ndiaye? Je pense que pour la question du Nord, cela passe nécessairement par une assise. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'une simple assise sur le Nord. Les assises nationales qui vont impliquer l'ensemble de toutes les régions. Parce que les réponses qu'il faudrait donner à Kidal, il faudrait également le donner donc, à toutes les régions à l'intérieur du Mali pour ne pas créer un précédent fâcheux. Parce que si on créait un statut spécial pour Kidal, les autres régions donc, pourraient demander la même chose. Quelles seraient, selon vous, les erreurs à éviter par le président Ibeka pour ne pas tomber dans les mêmes trappes que ses prédécesseurs? Les erreurs à éviter, c'est d'abord le piège qui consiste à se copier entre politiciens et au nom d'un prétendu consensus. C'est ce consensus qui a joué de vilain tour au Mali. Il faudrait en quelque sorte dépasser le consensus, accepter le débat franc et direct au niveau de tous les pays et aussi faire en sorte qu'un nouveau leadership puisse émerger sur la scène politique. Ibeka, c'est l'occasion donc de tourner une véritable page dans l'histoire politique du Mali. le professeur Issa Diaye, enseignant de philosophie à l'université de Bamako. Les résultats du second tour sont attendus dans les tout prochains jours. Mathématiques, mais sciences, c'est la nouvelle trouvaille des autorités sénégalaises de l'éducation pour mettre en valeur les matières scientifiques qui ne sont pas très aimées des élèves, en particulier des filles. À travers cet événement, le ministère de l'Éducation entend promouvoir cette matière. Pour cette première édition, la Miss Science est de Saint-Louis et la Miss Mathématiques de Dakar. Notre correspondante Dienaba Sedouba les a rencontrées. Elle est élancée, noire, belle, toujours avec un mouchoir de tête bien noué. Elle vient du Nord et elle est Miss Science 2013. Je suis Mme Sadamoy, je suis élève en classe de seconde au lycée Serrano-Hôpital de Saint-Louis. Je suis très honorée d'être Miss Science nationale, c'est que nous étions au nombre de 14. Venez de toutes les régions du Sénégal et Dieu a fait que je suis Miss Science nationale. Je suis très aimée. Donnerai ma région et donnerai aussi l'inspection d'académie de Saint-Louis. Camaron, la Miss Mathématiques, a une tête bien faite, élégante, gracieuse. Il a le verbe facile. Elle est élève au lycée d'excellence Mariam Abadogouré. Je m'appelle Amina Adjo. Je suis élève à la maison d'éducation Mariam Abadogouré. Je suis en classe 4 et je représente la région de Dakar en tant que Miss Mathématiques 2013. Vraiment, je ressens une grande satisfaction d'avoir été Miss Mathématiques parce que ça a été vraiment facile. Parce qu'il y avait très sauf candidats qui avaient le potentiel de remporter cette compétition. Moi, je voulais être astronome pour l'homme d'avion. C'est un métier qui ne peut pas être fait. Sur deux métiers qui ne sont pas occupés par les femmes, ils ont vraiment émergé. Le concours Miss Sciences, Miss Mathématiques, une initiative des inspections d'académie, était pour inciter les filles à aimer les matières scientifiques. Le gouvernement compte accompagner le processus. Une annonce du ministre de l'Éducation, Serim Baïtcha. Je crois que c'est une raison d'espérer de notre système éducatif. Des cérémonies de cette nature sont importantes parce qu'il s'agit de donner quelques élèves que nous avons en exemple. Et en tout cas, ça, il s'agit pour cette question-là d'un sujet qui préoccupe le chef de l'État, qui est l'enseignement des sciences et des mathématiques. Chaque fois, il revient dessus. Et il s'agit aussi de filles. Donc, par l'organisation de ce concours, nous visons deux objectifs, qui est la promotion de l'éducation des sciences et des mathématiques, et en même temps, au niveau du genre, par la promotion aussi de l'éducation des filles. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que la brochette de lauréates que nous avons vient de toutes les régions du Sénégal, et c'est quelque chose qui est encourageant. En tout cas, c'est la promotion de l'éducation des sciences et le plus au niveau des filles. En les primant aujourd'hui avec les lots de prix, ils ont certaines façons de les encourager. Et je vais demander aux inspections d'académie dont ils dépendent et à leur établissement de les suivre de façon particulière pour les encourager au niveau de leur étude. Et nous espérons que d'ici quelques années, nous allons les voir lauréats du concours général, réussir le bac avec de très bonnes mentions. Et en ce moment-là, l'État du Sénégal, bien sûr, apportera tout le soutien qu'elle mérite. Ces filles qui représentent la beauté des sciences et des mathématiques ont des rêves. La fille de Saint-Louis veut devenir médecin. Moi, j'ai rêvé d'être première dans ma classe avec moins de 16,4. À l'avenir, j'aimerais faire la médecine parce que à l'époque, lorsqu'on parle du vivant, il me disait qu'un jour, peut-être tu veux devenir médecin. Là, tu pourras au moins m'enseigner. Il me disait ça. Mais maintenant, il est mort et je veux réaliser son rêve. C'est pourquoi je m'engage. Et je préfère rester dans les matières scientifiques juste pour m'évoluer dans la médecine. Celle de Dakar se voit déjà dans l'espace. Bon, je ne peux pas vraiment expliquer. Je peux dire que c'est naturel aussi, c'est notre milieu. Parce que dans ma famille, tous mes frères et sœurs ont fait la série S. Donc, je peux dire que c'est une hérédité d'un côté. Et aussi, mon professeur de mathématiques, M. Diallo, il me motive chaque jour. Ils vont aimer la mathématique, surtout que je vais devenir astronome plus tard. Alors, je m'intéresse beaucoup à la discipline parce que c'est une matière déterminante pour devenir astronome ou pilote d'avion. Si je peux dire que quand je fais les maths, je ne suis plus dans ce monde, je suis dans un autre monde. Je vois que des chiffres et des figures. Je n'entends plus personne. Et ce monde-là, c'est quand je m'en ai vraiment quand je fais les mathématiques. Et je voudrais bien faire continuer mon cursus scolaire, avoir un bon cursus scolaire et motiver les autres élèves pour faire comme moi. Je voudrais bien travailler à la maison. Miss Science, Miss Mathématiques, c'est une première au Sénégal. Et les autorités de l'éducation comptent pérenniser le concours pour encourager les filles à oser les matières scientifiques. Dienaba Sedouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique. Vous êtes bien à l'écoute de celle-ci sur la Voix de l'Amérique et sur le 90.1 FM à Kaolack au Sénégal sur la radio Al-Faïda. D'autres émissions où nos auditeurs maliens réagissent après le second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Pour Mohamed Koné, élève au lycée Farah de Bamako, il n'y a aucun doute, la tenue dans le calme du second tour de la présidentielle est déjà un signe de paix pour le futur Mali. Bon, pour l'élection, je suis très fier parce que ça s'est bien passé, contrairement à ce que d'autres avaient pensé. Ça s'est déroulé dans le calme. Soumaïla a reconnu qu'il a perdu. Et même t'as l'air rendu visite à Emeka pour le féliciter. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. C'est un signe de paix. Voilà. Je suis très content. Et qu'est-ce que vous attendez? Mes attentes est que, comme je suis élève, j'aimerais que l'école malienne soit sur bon pied et que ça se développe bien. Les choses et puis tout ça soit vérité. Donc on a une très bonne formation. Je pense que l'armée c'est déjà vraiment sur mieux pour la sécurité. Mais je pense que si on l'avait renforcé, ça serait très bien aussi. Et si pour Mohamadou Koné, ces élections sont une réussite pour Seydou Traoré, étudiant en première année à la faculté des lettres de l'université de Bamako, le candidat favori Ibrahim Boubacar Keïta aura comme priorité dans son mandat d'unir les Maliens d'abord. Je suis très heureux parce que c'est lui la solution au problème qu'il y a au Mali actuellement. Donc, tous les Maliens savent, depuis le premier tour, il a été élu, mais avec mauvaise gestion de FDR. Donc, ils se sont opposés. Donc, finalement, on a fait le deuxième tour. Quel est selon vous le débat sur lequel le président devrait s'atteler pour travailler? Donc, pour moi, il doit établir l'intégrité territoriale d'abord. Après, on va voir sur le plan d'éducation. Donc, ici au Mali, l'éducation ici, c'est catastrophe. Actuellement, comme vous savez tous, on est en guerre. Donc, on doit faire tout pour établir la paix au Mali. Avec tout ce tel qu'on soit, noir, blanc, donc, son premier but doit même être pour unir les Maliens d'abord. Donc, après, pour l'intégrité territoriale et après, le problème de nourriture aussi. Quoi. Comme au Mali, souvent, l'agriculture est mal soutenue ici. Donc, les agriculteurs sont en misère. Donc, ils doivent mettre en place des programmes pour aider les agriculteurs de mieux développer leur production. Vous êtes bien à l'écoute de ça et puis sur la Voix de l'Amérique et sur le 106.2 FM, Radio Sikoro à Nyono, au Mali. C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Justin Tweets. Au micro, Fernand Faudzinc, avec la collaboration de Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous demain, 21h15, heure universelle, sur la Voix de l'Amérique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook et Twitter, VOA Sahel Plus. Et nous nous quittons en musique avec l'artiste Salif Keïta, qui chante au Moussoulou. Bonsoir et bonne nuit à tous. À l'écoute de la Voix de l'Amérique. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off.